Jim et puis il y avait John. Il était le chef de l'escouade. Mais dans l'armée, on n'est plus qu'un numéro. Et chacun, oui, chacun en prend pour son grade. Les soldats marchent, les canons crachent. Du cap à Zanzibar, la pluie peut y tomber. Et on peut y tomber sur des hordes barbares qui chercheraient la bagarre. On en fait de la purée, du hachis, du steak tartare. Ça ne trouvait le whisky trop chaud. Et Jim avait toujours mal aux pattes. Et Billy leur tapait dans le dos. T'en fais pas, on les aura tous ces pirates. Les soldats marchent, les canons crachent. Du cap à Zanzibar, la pluie peut y tomber, et on peut y tomber sur des hordes barbares qui chercheraient la bagarre. On en fera de la purée, du hachis, du steak tartare. Est tombé et Jim a disparu. Et Billy a passé l'arme à gauche. Le sang coule de plus en plus. Engagez-vous les gars, l'armée embauche. C'est là que nous nous fournissons toujours. Il fallait que tu sois là pour mon mariage. Je pense que cela ne peut pas te causer de désagréments dans ta position. Mac, hein? Tu sais très bien que je ne peux rien te refuser. Bon, il faut que je me sauve, je ne sais plus où donner de la tête. S'il se passait quoi que ce soit pour le couronnement... Voici, mon beau-père est un vieux cheval rétif. S'il se mêlait de faire du grabuge, je pense qu'on ne trouvera rien contre moi. À la police, hein? À la police, il n'y a pas le moindre papier te concernant. Ça va de soi. Tu penses bien que j'ai tout arrangé. Allez, bonsoir. Alors, on ne se lève pas? Mes meilleurs feux. Bonsoir. Je dois vous avouer que quand j'ai su que Tiger Bond arrivait, je n'ai pu réprimer quelques appréhensions. Vous voyez, madame, que nous avons des relations dans l'esphère dirigeante. Eh, hein, oui. Mac a plus d'un tour dans son sac sans que nous en doutions. Hein. Oh. Ah, mais nous aussi, nous avons plus d'un tour dans notre sac. Ben, les gars, il est 9h30. Ah, maintenant, quel plus mou, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Encore une petite surprise, Castel. Marine savait pas le nom de son mari. maintenant, le sentiment retrouve ses droits. Mais alors, on deviendrait de vrais robots.